Bonjour, aujourd'hui nous recevons sur Radio Bigorneau Françoise Pavard. Alors Françoise Pavard habite Thion-sur-Mer, depuis combien de temps tu habites Thion-sur-Mer? Ça fait 8 ans. D'accord. Oui. 8 ans, alors si on est venu te voir, c'est parce que tu as une histoire à raconter. Enfin, un petit peu, disons, l'histoire de ton père qui était coureur cycliste professionnel. C'est ça. Donc, c'est quoi, quel souvenir tu en as? Tu étais peut-être, il a été coureur cycliste professionnel de 58, 59 à 61. Voilà. Donc ça. Toi, tu n'as pas de souvenir à cette époque, parce non, que tu n'étais pas à peine né. Moi, je suis née en 59, donc pendant voilà. qu'il il faisait le Tour de France. Donc j'ai peu de souvenirs. Les souvenirs sont surtout liés à, bah, à ce que mon père, la famille, les amis ont pu raconter, puis des archives que j'ai retrouvées essentiellement chez ma grand-mère. Oui, je vois que tu as dans ton escalier là, les affichés tous les, je suppose que c'est les numéros de dossards qu'avait ton père. Tout à fait, qui sont un peu ou beaucoup vieillis, et que j'ai mis sous cadre. Je trouvais que c'était joli, puis c'était un bel hommage à lui rendre. Je suppose que ça prenait une place importante dans votre vie d'enfant. Ton père en parlait, il a quand même été dans l'équipe de Jacques Anquetil pendant plusieurs années. C'est ça, il a été dans l'équipe de France, enfin, avec les grands dirigeants de l'époque, et puis dans l'équipe de Jacques Anquetil, oui. Alors, il vous racontait quoi, Alors, il nous a... Alors, précisément, moi, j'ai un souvenir, il a fait les 6 jours aux Veldives, où là, il avait perdu complètement le sens du jour et de la nuit, puisque c'était... jour et nuit qu'il courait, avec des interruptions évidemment. Donc voilà, et puis ben, on rencontrait quand même régulièrement ou des fans de cyclistes, donc qui parlaient de... Des journalistes, tu me disais. Et aussi des journalistes, Robert Chapatte par exemple. On allait sur les Tours de France, mon père était en contact encore avec pas mal d'anciens coureurs comme lui. Donc voilà, c'était, ça baignait. Il avait une maman, il était fils unique, il avait une maman qui était extrêmement fière de lui. Après, je suppose que toi aussi. Oui, bien sûr. Après, moi, je suis fière de ça, mais après, moi, tant que j'étais vraiment enfant, le cyclisme parlait pas plus, ça représentait pas forcément quelque chose de bien concret, ou je ne m'imaginais pas ce que ça avait pu représenter, ce que ça représentait pour un certain nombre de gens. C'est après, plus tard, puis j'ai retrouvé beaucoup d'archives, j'ai pu consulter. Oui, donc tu t'es intéressée après coup, une voilà. Fois adulte. C'est ça, c'est plus en vieillissant, enfin, voilà, en vieillissant, mon frère a pris aussi, a fait beaucoup de cyclisme, donc moi, je suis allée à des courses, et donc forcément, de fil en aiguille, enfin, j'ai pu m'intéresser un peu plus près au parcours de mon papa. Je vois là que sur ton mur, tu as une photo de toi avec ton père enfant. Tu me disais que c'était une photo qui était parue dans Miroir Spring, qui était une référence de journalisme cycliste à l'époque. C'est ça, avec... Et tu l'as retrouvé, ce... Oui, je l'ai, et je l'ai retrouvé chez mon père à son décès, et je l'avais retrouvé quelques années avant. Curieusement, quand je travaillais dans le secteur de l'insertion, dans une association du côté de Caumont-l'Éventé, qui faisait du recyclage de journaux, qui récupéraient des vêtements, etc. Et un jour, je vois dans un bac des vieux miroirs sprint, miroirs du cyclisme. Et j'ai demandé à la responsable si je pouvais fouiller, et j'ai retrouvé des... Voilà, c'est émouvant. Ouais, c'était émouvant. Oui, comme quoi, le hasard. Hein, pour ouais. Ça. Alors, tu me disais que que ce n'était pas évident au départ, ton père, qui devienne sportif professionnel comme ça, parce qu'il avait, il était un peu handicapé au départ. Voilà, il avait ce qu'on appelle les joues valgum, mais extrêmement prononcées. Donc, il a été de nombreuses années avec des attelles. Alors, mon père était né en 34. Donc, voilà, hein, évidemment, ces problèmes-là n'étaient pas comme aujourd'hui le même suivi. Et donc, on lui avait dit, les médecins lui avaient dit qu'il ne ferait jamais de sport. D'accord. Jamais de sport. Donc, Comme quoi, ouais, voilà. voilà. Et ton père, c'était plutôt un grimpeur, hein. C'est ça. Oui, C'est ça. C'était. alors, faut quand même signaler qu'il a eu deux participations au Tour de France. Le premier, bon, le pauvre, il a abandonné à la 3e étape, mais le deuxième Tour de France, c'était 19e, c'est ça? 17e, 17e, c'est quand ouais, même pas mal. c'était. Le premier français, Ouais, très c'est bien. ça, je crois, si je dis pas de bêtises, et je pense que c'est un des, comment dire, des Tours de France où certainement Antil devait être premier. Ben oui, je Mais c'est crois à vérifier, faudrait que je je vérifie dans crois que mes c'était archives. en 61, je crois. Ça doit être Oui, ça. ça devait être Jacques Anquetil, ouais, ben oui. Ça doit être ça. Cadu. C'est pas grave, je vais monter après. Oui, alors, bon, il a eu une carrière professionnelle quand même courte. Ouais, mais il a fait toutes les la polymultipliée, il a fait le tour d'Italie, le tour d'Espagne, il a fait enfin tout ce qui était possible de faire à Oui, cette toutes les courses époque-là. Voilà, importantes, oui. toutes les grandes courses. Et pour revenir à son handicap entre guillemets, il est devenu coureur cycliste parce qu'il y a une personne dans son village, qui était un Quand il y village à avait 15 l'époque, ans, tu me disais ça. voilà, à peu près, qui a découvert. Alors, est-ce qu'il faisait du vélo à ce moment-là? Enfin, c'est sûr même. Et un monsieur qui était proche du milieu cycliste a trouvé chez lui une allure, un style. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Ce monsieur-là l'a pris en charge. Et puis après, Ah, il a il a commencé en grimpé. amateur. Voilà. Et puis après, il est parti dans les équipes. Alors, quand on est sportif de haut niveau professionnel, il y a toujours un moment délicat, c'est que ben, à partir d'un certain âge, il faut penser à sa reconversion. Et comment il s'en est sorti après, son Alors, pour mon père? père, c'était très simple. Il n'y a pas eu d'inquiétude. En plus, sa carrière était quand même assez courte. Il avait fait, avant de devenir professionnel, un apprentissage d'ébéniste. Et donc, grâce à ça et à l'argent qu'il avait gagné, qui n'était pas en commune mesure avec ce qui se fait aujourd'hui, mais malgré tout, comme il était quand même dans une équipe et un équipier de Jacques Anquetil, il a assez bien gagné sa vie pour l'époque, ce qui lui a permis de monter son entreprise. D'accord. Voilà. Et après, il est Il est devenu devenu, ébéniste. voilà, menuisier, ébéniste. C'était le coureur cycliste ébéniste. C'est ça. Alors, pour ceux que ça intéresse, on peut retrouver le palmarès de René Pavard sur Internet. Hein. Il a une fiche du journal L'Équipe et dans plusieurs sites. Voilà. Il y a une petite interview aussi de lui avec Jacques Anquetil par Léon Zitrone sur Sur Luna. Lina. Oui, on peut D'accord, ben ça, retrouver je qui est l'avais pas trouvé. accessible Ah, comme quoi, j'ai fait une petite recherche et je l'ai pas trouvé. sans difficulté. D'accord, très bien. Alors, nous allons faire une petite pause musicale et puis nous reviendrons vers Françoise pour lui demander si elle, maintenant, elle fait du vélo. Thank you. lips now get lost in me. And you're ready, and you're weaker. I guess we surely were. Let's pretend it's not. It doesn't mean a thing. Let's not blow it out of our sand as though it meant so much. It's always thought about for weeks. Not every time your lips meet mine, I think of her. But when a hand reach out, I think of you. Voilà, c'était Tinderstick, un groupe que nous a suggéré Françoise. Alors Françoise, après avoir baigné dans le cyclisme comme ça pendant ton enfance, toi t'en fais du vélo ? Alors moi j'en fais depuis que je suis toute jeune, j'en ai peu fait avec mon papa. Il allait trop vite ? C'est pas ça, on a fait d'autres choses, beaucoup de sports aquatiques, mais je crois qu'une fois que mon père a eu fini sa carrière professionnelle, il est passé à autre chose. Il en avait un très bon souvenir. Il a même failli partir au Canada à une époque quand j'étais pré-ado comme entraîneur. D'accord. Voilà. Mais moi, j'ai toujours fait du vélo depuis que je suis toute petite. J'ai continué. Je me suis beaucoup déplacée en vélo. Je suis partie en Écosse en 76 en vélo, avec une amie. Et puis, maintenant, ma retraite en approchant, là, au mois de septembre, je me suis dit qu'il fallait que je me fixe des objectifs un petit peu conséquents. Donc, j'ai fait un essai l'année dernière, je suis partie de Lyon-sur-Mer, en vélo jusqu'à Rennes, en passant par Mont-Saint-Michel. Donc, j'ai fait 420 km à peu près, toute seule, avec ma tante. Et ça a été une révélation. Enfin, j'en doutais pas, mais je me suis aperçue que j'en étais capable. Puis j'ai rencontré plein de gens formidables. Ça a été une prise directe aussi avec la nature, avec des coins qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas très loin de chez nous. Oui, alors là, c'est plus du vélo randonnée, quoi. C'est ça. Que de la course cyclisme. Non, moi, j'ai jamais fait de... T'as pas eu envie. J'ai jamais voulu faire de... De course ou de compétition ou de performance. Tu me disais que ton frère, lui, il s'est engagé en amateur, mais... Ouais, il a été sur le point de passer professionnel, c'était pas loin. Et puis, voilà, c'est pareil, il a pris d'autres orientations. Ah, avec un père tel que le vôtre, c'était difficile de passer à côté du vélo. Sûrement. Ah, ou alors, ça aurait pu être l'opposé. Exactement, mais non, on est resté malgré tout attachés, certainement, à cause de ça. Ou grâce, plus que à cause. Oui, plutôt grâce. Oui, c'est une découverte de plaisir. Ouais. Et puis, mon fils, qui a pas trop connu mon père, mais malgré tout, et aussi passionné de vélo, puisqu'il s'est reconverti là il y a un an et demi comme technicien cycle. D'accord. Il prépare un tour du monde, pardon. un tour du monde en vélo. D'accord, ben, donc, comme quoi l'atavisme. Ouais. C'est ça, c'est possible, hein, sûrement. Très bien, alors pour finir cette interview, une petite question d'actualité. On n'y échappe pas en ce moment. Comment tu vis la crise sanitaire et tout ça? Bon, ça ne t'empêche pas de faire du vélo, Robert. Non. Moi, on est bien à Lyon, alors sûrement que certaines personnes vont peut-être trouver mal à propos mes paroles, mais moi, ça ne me dérange pas tellement, ça ne change pas tellement mes habitudes. Après, maintenant, ce qui est long, c'est de ne pas pouvoir rencontrer les gens qu'on aime. Mmh. Plus comme on le souhaiterait, c'est pas aller au café, c'est pas aller au cinéma, dans les musées. Moi, il y a un an, avec ma fille, on devait aller à Nancy voir le musée d'Aume, enfin, où il y a plein de choses comme ça que je voudrais faire. Là, je projetais cet été de partir aussi. Je voudrais faire le Havre, Amsterdam en vélo. Mmh. Est-ce que ça va être possible? Donc voilà, après moi ce qui m'embête, c'est que tous ces efforts qu'on fait ne semblent pas porter leurs fruits. Mmh. Donc voilà, c'est projeté, c'est un peu difficile. Oui. Pour moi, à la limite... Dans la vie quotidienne, ça va. Voilà, j'arrive à m'en satisfaire. Après, je travaille avec des jeunes. Je pense aussi beaucoup aux jeunes qui pour eux... Je pense que ça entache beaucoup leur quotidien, puis leur projection sur l'avenir. Ouais, puis une ambiance générale tout qui est fait. Un peu anxiogène. Exactement, exactement. Très bien. Bien, ben merci Françoise, et bien merci de nous avoir parlé de votre père, qui était de ton père, qui était coureur cycliste professionnel. Ben, merci à toi de m'avoir fait. Remonter un petit peu dans le temps, ben, et puis de repenser à cette période-là, puis à mon père. Je suppose que c'est un motif de fierté quand même pour toi, de ce père qui a été un... Oui. Sans que ce soit... C'est sûr. Et puis, j'ai pensé, c'est pas si vieux qu'en fait, ça a certainement, influé sur... sur certaines parties de qui je suis, en fait. Bien sûr. Je ne veux pas faire un petit oui, peu, oui, c'est oui. Pas le ni tout on ça. On verra ça dans une prochaine émission. Je m'allongerai sur les divans. Voilà. Merci Françoise. Et c'était Françoise Pavard, habitante de Lyon-sur-Mer, qui nous a parlé de son père, René Pavard, coureur cycliste professionnel de 58, 59 à 61, et habitante de Lyon-sur-Mer. C'est Thierry. Et un petit peu de musique maintenant, toujours choisie par Françoise. One who take care of me when I die, will I go? Hope there's someone who set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep and I, how will I raise my head? Oh, I'm scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the horizon, wish that I paralyzing life. got no one to go to the seas or to shed. Hope this home will take care of me when I die. Will I go? Oh.